Comment le monde réagisse à ton album en français aux States? Yo, ils sont chill, man. Je pensais pas qu'ils aimeraient ça, mais anyway, ça a l'air qu'ils ont aimé ça. Mais yo, c'est pas important, c'est en passant. Si vous allez aux States, parler français aux filles, man, ça les rend folles.